Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Accordéon parade. Accordéon parade, c'est un plateau d'accordéonistes. C'est le bonjour de l'accordéon tous les dimanches de 9h à 10h. Avec Michel et ses amis accordéonistes. Auditrice, auditeur de Sorgia FM, bonjour. Et pour commenter cette émission, eh bien, j'ai fait appel à un sympathique jeune homme qui nous vient de l'Est de la France, avec son orchestre, chez Jean Daniel, qui va nous interpréter une passo-doble. Thank you. Et merci à Louis Nodriche qui vient de nous interpréter un morceau de sa composition Radio Bal. Maintenant, on va aller au sommet des Rangers et c'est Nicole et Jackie, deux sympathiques Suisses. Thank you. Un grand merci à ce sympathique accordoniste qui nous vient d'Italie. C'était Emmanuel Richudia qui vient nous interpréter Battagliero. Merci Emmanu, et c'était très bien, c'était très beau. Maintenant, c'est l'honneur de faire un petit tour en Alsace, ou plutôt dans les Vosges, avec Cyril Renaud qui nous interprète une romance d'Alsace. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Et sur les 91 MHz, comme tous les dimanches, de 9h à 10h, c'est Accordéon Parade. Émission que vous propose, que réalise et que présente Michel. Et animée par ses amis accordéonistes. Une émission pour les mordus du dépliant. Hop, hop. Et c'est sans musette sur la bande FM. Thank you. Et ce dimanche matin... C'est l'Antoine Todeschini qui nous dit « Musette folie ». Et là, nous étions en 1937. Vous avez vu la qualité du son et la qualité, bien sûr, de la virtuosité de notre ami Antoine. Allez, on continue maintenant avec Joe Privat, Avalanche. Thank you. Merci à Monsieur Joprivà pour cette avalanche, de notes. Merci à Luc Amblore qui nous vient du Pays Basque et qui vient de nous interpréter une corrida portugaise. Thank you. Cette boîte à musique était tenue par trois accordéonistes, le Trio Musette de Paris, qui a eu un grand succès dans les années 50-60, voilà. Et maintenant, eh bien, nous allons faire valser, ou plutôt nous allons tourner les froufrous avec notre ami Manu Mauguin. Thank you. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Et l'émission que vous entendez en ce moment, c'est du direct, c'est tous les dimanches. De 9h à 10h avec Michel et ses amis accordéonistes dans Accordéon Parade. Le plateau d'accordéonistes. Le bonjour de l'accordéon. Une émission pour les morts du dépliant et c'est 100% musette sur la bande FM. Et vous savez que Michel a un petit penchant pour le Jura. Et oui, c'est vrai, Michel a un cœur jurassien. Eh bien, nous allons écouter une sympathique jeune fille qui nous vient de Lons-le-Saunier, c'est... Angélique Neuville, qui va nous interpréter un morceau de sa composition, la valse jurassienne. Alors Angélique, quand tu voudras, c'est à toi. We'll be right back. Merci à Angélique Deneville qui vient de nous interpréter cette merveilleuse valse de sa composition, une valse jurassienne. Et savez-vous où c'est que j'ai découvert cette valse jurassienne? Non? Eh bien, je vais vous le dire, je l'ai découvert dans une soirée Roi 6 à la Combe Gay. Et oui, j'ai une soirée bien sympathique avec Émile Péguret, sympathique bijoutier qui joue de l'accordéon comme ça pour se distraire, et Danny Girard, un autre accordéoniste. Alors en duo, ils vont nous interpréter Soirée Roisty à la Combe Gay. À vous messieurs, quand vous voulez, vous pouvez y aller. Merci messieurs, merci, quelle virtuosité, quel plaisir de vous écouter. Et c'est ça, c'est sur GFM 91 MHz, sur GFM. Allez, on va écouter un Laurent qui va nous interpréter un grand succès d'André Verschuren en amateur. Thank you. Merci à Fredo Gardoni qui vient nous amener au bord de la cascade avec les chaleurs qu'il fait. C'est formidable. Merci Fredo. C'est sympathique à toi. Allez, maintenant, on va écouter deux sympathiques garçons qui vont nous interpréter Minor Swin, Angelo Debar et Ludovic Beyer. Messieurs, c'est à vous. Merci messieurs, comme ça swing, comme c'était beau. Et pour terminer, nous allons faire un tour du côté du beau Danube bleu avec Roger Plumer qui nous interprète le beau Danube bleu. Allez Roger, quand tu veux, c'est à toi. Thank you. Eh bien, un grand merci à Roger qui nous a valsé, qui nous a fait rêver avec cette merveilleuse valse. Quelle virtuosité! Quelle doigté, ce Roger! Sympathique accordoniste qui nous vient de Belgique. Alors les valseurs! Eh bien les valseurs, on va aller se reposer. Et ce dimanche, ils ont eu droit à 5 minutes de plus d'accordéon puisqu'il est 10h05 sur les 91-91 MHz de Sorgi FM. Je vous rappelle que vous étiez en compagnie de Michel qui vous a proposé, qui vous a présenté Accordéon Parade. Du bonheur, du pur bonheur ce dimanche. Et Accordéon Parade, c'est un plateau d'accordéonistes. Le bonjour de l'accordéon. Une émission pour les mordus dépliants et c'est 100% musette sur la bande FM. Allez, on se retrouve bientôt pour une autre émission d'Accordéon Parade. Merci d'avoir écouté sur GFM ce dimanche matin, Accordéon Parade. Et bravo les danseurs! Allez, bon dimanche, bonne semaine et à bientôt. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Auditrice, auditeur de Sorgi FM, bonjour. Et bon dimanche. Comment allez-vous, auditeur, auditrice de Sorgi FM, ça va? Ce dimanche, il fait gris. Et un petit peu de bise. Comme dit le sympathique Mano, eh bien, le dimanche, on reste au lit, surtout aujourd'hui. nager, mais ne savait comment. Allons à Messine, pêcher la sardine. Allons à l'Orient, pêcher le hareng. Qui voulait voyager, mais ne savait comment. Le vide est au con, tu seras bâtiment. Allons à Messine, pêcher la sardine. Allons à l'Orient, pêcher le hareng. Le vide est au con, tu seras bâtiment. Je serai le grand mât qu'on plante dedans. Allons à Messine, pêcher la sardine. Allons à l'Orient, pêcher le hareng. Je serai le grand mât qu'on plante dedans. Mon rouston de droite sera commandant. Allons à Messine, pêcher la sardine. Allons à l'Orient, pêcher le hareng. Mon rouston de droite sera commandant. Mon rouston de gauche sera lieutenant. Allons à Messine, pêcher la sardine. Allons à l'Orient, pêcher le hareng. Mon rouston de gauche sera lieutenant. Les poils de mon cul seront les auvents. Allons à Messine, pêcher la sardine. Allons à l'Orient, pêcher le hareng. Et les petits morpions grimperont dedans. La peau de mes couilles fera voile au vent. Allons à Messine, pêcher la sardine. Allons à l'Orient, pêcher le hareng. Le trou de mon cul soufflera dedans. Sacré nom de Dieu, ça puera bougrement. Allons à Messine, pêcher la sardine. Allons à l'Orient, pêcher le hareng. Allons à Messine, pêcher la sardine. Allons à l'Orient, pêcher le hareng. Eh bien, nous, nous allons pas aller à l'Orient, non, nous allons aller, eh bien, écouter Jean Ferrat. On se marie tôt à 20 ans et l'on n'attend pas des années pour faire 3 ou 4 enfants qui vous occupent vos journées. Entre les courses, la vaisselle, entre ménage et déjeuner, le monde peut battre de l'aile, on n'a pas le temps d'y penser. Faut-il pleurer? Faut-il en rire? Fait-elle envie ou bien pitié? Je n'ai pas le cœur à le dire. On ne voit pas le temps passer. Une odeur de café qui fume, et voilà tout son univers. Les enfants jouent, le mari fume, les jours s'écoulent à l'envers. À peine voit-on ses enfants naître, qu'il faut déjà les embrasser. Et l'on n'étend plus aux fenêtres qu'une jeunesse à repasser. Faut-il pleurer? Faut-il en rire? Fait-elle envie ou bien pitié? Je n'ai pas le cœur à le dire. On ne voit pas le temps passer. Elle n'a vu dans les dimanches qu'un costume frais repassé, quelques fleurs ou bien quelques branches décorant la salle à manger. Quand toute une vie se résume en millions de pas dérisoires, prise comme marteau et enclume entre une table et une armoire. Faut-il pleurer? Faut-il en rire? Fait-elle envie ou bien pitié? Je n'ai pas le cœur à le dire. On ne voit pas le temps passer. Thank you. toujours à l'écoute des 91, des 91 MHz de Sorgi FM et nous allons commencer les dédicaces. Cette semaine, nous avons fêté les Denise. C'était mercredi 15 ou c'était la Sainte-Denise. Et Marie-Claire a téléphoné au 04 50 56 01 48, Marie-Claire de chaîne Ansemine. Pour nous demander, on n'a pas tous les jours 20 ans. Pour Denise Messier, Denise Jacoux de chaîne, Denise Dupont de Franklin, Denise Carzaruc. Et une pensée toute particulière à Maman Denise, la Savoyarde d'adoption. Bonne journée à toutes ces Denises, grosse bise, et c'était de la part de Marie-Claire de chaîne Ensemine qui m'a demandé « On n'a pas tous les jours 20 ans, on écoute !»

cette jolie chanson interprétée par un jeune, eh bien, on est des oubliés et pour le plaisir personnel de Monsieur Joseph à Valserone. Et bien, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Eh bien... Eh bien, c'est avec deux sympathiques accordéonistes qu'on va faire un petit tour à la Combe G. Dans le Jura. Et bien maintenant, nous allons écouter une chanson sur le Jura. Ce pays, c'est le mien, le Jura. Et vous allez voir comme elle est jolie, elle est charmante. Alors on écoute ça, c'est pour Michel, pour notre serviteur, puisque Michel adore le Jura, puisque il connaît très bien le Jura et c'est son pays. Je vous rappelle que vous êtes toujours sur les 91 MHz de GFM et on écoute ce pays, c'est le mien, le Jura. Il grimpe de la plaine à l'assaut des montagnes, domine l'Helvétie, se mire dans le Léman. À ses pieds, le Gexois étale sa campagne. On dit de lui qu'il est balcon sur le Mont Blanc. Et quand par les orages, les jours de mauvais temps, noyé dans les nuages, il donne de la voix. Ce n'est pas par bravade, mais c'est tout simplement pour saluer Voltaire en pays genevois. Ce pays, c'est le mien, il se nomme Jura. Ce pays, c'est le mien, il se nomme Jura. C'est le pays des sources et des eaux souterraines qui sortent en cascade du ventre des rochers. Les rivières tranquilles y coulent souveraines pour le plaisir de ceux qui viennent y pêcher. C'est le pays des lacs posés dans les forêts, miroir de courtoisie pour les sapins géants. Ils cachent en leurs eaux noires un peu comme en secret un grand serpent ailé, la vouivre et son diamant. Ce pays, c'est le mien, il se nomme Jura. Ce pays, c'est le mien, il se nomme Jura. En bas, le Revermont expose son vignoble. Il regarde sans honte celui de la Bourgogne. Il semble vouloir dire, mon vin aussi est noble. Chez nous aussi, on voit un peu rougir sa trogne. Sur ses coteaux pentus, les vignerons provignent. Les grains de savagnin mûrissent en jaune d'or. À l'automne, ils flamboient à la rouille des vignes. Pour si longues années, le vin jaune s'endort. Ce pays, c'est le mien, il se nomme Jura. Ce pays, c'est le mien, il se nomme Jura. L'hiver de la vallée monte des fumerolles qui sortent des brûlots, brûlent les sarments. Dans le ciel alourdi, les étourneaux s'envolent. Les amants réunis échangent des serments. En haut, dans le grand haut, où les combes serpentent, entre des haies d'honneur dressées des picéas. Quand il neige et qu'il glace et que la bise vente, les gens ouvrent leur âtre comme ils ouvrent leurs bras. Ce pays, c'est le mien, il se nomme Jura. Ce pays, c'est le mien, il se nomme Jura. Ils ont le regard bleu des hommes des montagnes, leur peau fine est plissée par le froid de l'hiver. leur parler et chantant, un accent l'accompagne. C'est celui d'Acadie qui a traversé la mer, sur l'ocre des calcaires, le noir des sapins. L'automne peint sa toile en camaïeu de roux. Parfois il y fait doux comme un été indien. Ce pays c'est un peu notre Québec à nous. Ce pays c'est le mien, il se nomme Jura. Ce pays c'est le mien, il se nomme Jura. Ce pays c'est celui où l'accusant grandit et combattit le roi et ses Français soldats. Celui des mains mortables que Christ a défendit contre l'exploitation des moines de Condat. Ce pays, c'est le champ de la Révolution, et son nom, c'est celui de la libre comté. S'il flotte parfois un air d'insoumission, il y souffle toujours un vent de liberté. S'il flotte parfois un air d'insoumission, souffle toujours un vent de liberté. Ce pays c'est le mien, il se nomme Jura. Ce pays c'est le mien, il se nomme Jura. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Vous avez été nombreux à me téléphoner sur le Jura. Mon pays, c'est le mien, le Jura. Beaucoup d'auditeurs me remercient pour les émissions. Ça leur met du baume au cœur et j'en suis content. Bon, et bien maintenant, on va écouter les gens de Retors. On m'a demandé ça. C'est les amis de Retors qui m'ont demandé pour René Baratou à Châtillon-Méchaille avec un prompt rétablissement et une bonne santé pour lui tout seul. Alors pour toi, René, tout seul. On va écouter les gens de Retors, Jean-Marc. Et c'est de la part des amis de Retors. Venu de très loin, chassé par les guerres, Saint-Claude des Bouchoux fait des moussières, se réfugier sur le plateau des airs, accablé de souffrances et de misères. J'étais là-haut sous le soleil de plomb. Le dur travail, venaisons et moissons, engranger avant le primat des saisons, rassembler les troupeaux perdus dans l'horizon, bloqués par les congères et par le vent. Fallait subsister tout l'hiver durant, dans un silence ouaté, mais angoissant. Retors, l'hiver, tu sais, c'était le désert blanc. Les gens de Retors, les gens de Retors ont toujours connu la misère. Les gens de Retors, les gens de Retors ont vécu, ont lutté, ont souffert. Par tous les temps, la cloche de la chapelle, près du curé, appelait tous les fidèles. Ce jour-là, toutes les femmes se faisaient belles. Les hommes échangeaient les dernières. Réunis devant la grande cheminée, ils goûtaient la châtaigne, buvaient le vin clair. Les gens de Retors, les gens de Retors s'unissaient dans la même prière. Les gens de Retors, les gens de Retors essayaient d'oublier leur misère. s'en sont allés. Les fermes furent alors abandonnées. Les toits puis les murs se sont effondrés. Les ruines aujourd'hui témoignent du passé. Toi le skieur qui traverse près de vent, le randonneur qui marche en chantonnant, arrête-toi, assieds-toi, prends le temps, ferme les yeux, pense à eux. Un instant aux gens de retard, aux gens de retard qui ont toujours, toujours connu la misère, les gens de retard, les gens de retard. Qui ont vécu, ont souffert et sont morts. Merci à Jean-Marc qui vient de nous interpréter Les gens de retard. Et c'était pour Monsieur René Baratou à Châtillon-Méchaille, de la part de ses amis de retard qui lui souhaitent un prompt rétablissement. Une autre dédicace, c'est de la part des anciens lapidaires. Pour Denise, il souhaite une bonne fête à Denise à La Chapelle. À Vouvray, bien sûr. Et également à une autre Denise, la secrétaire de l'association, et ils m'ont demandé, c'est le troisième âge pour ces deux Denises, avec une bonne fête de tête du retard, mais le cœur y est. Et également, on m'a demandé les retraités par Monique. Malheureusement, je ne l'ai pas là, j'ai regardé. Je ne l'ai pas ce dimanche, ce sera pour la semaine prochaine. Mais je vais faire un coucou à Lulu. C'est pour Lulu, de la part de ses amis qui partent très, très fort à elle. Et puis qui lui souhaitent beaucoup, beaucoup de bonnes choses. Alors, on va écouter. C'est le troisième âge. Et c'est pour les deux Denise, une de La Chapelle, une de Bellegarde, qu'on écoute ce sympathique duo qui nous vient d'Alsace. Passe-t-il ici même? Que veut dire ce grand mouvement qui fait défiler tous les jours tant de gens? Que veut dire ce grand rassemblement? C'est le troisième âge. Ce sont des aînés qui se rassemblent avec tant de fierté. Ils sont toujours jeunes. Ce sont des amis au aussi il chante ville à séjour en Alsace. À tous, c'est la joie qui rayonne. Je ce sont des amis. Aussi ils chantent de vivre leur séjour en Alsace. Et nous avons pour nous distraire une bonne équipe d'animateurs qui sont ensemble avec tant de fierté. Ils sont toujours jeunes, ce sont des amis. Aussi ils chantent de vivre leur séjour en Alsace. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est avec votre précieux concours que Sonia et moi avons pu réaliser ce premier disque que nous vous dédions avec toute notre sympathie et notre amour. Merci. C'est le troisième âge, ce sont des aînés qui se rassemblent avec tant de fierté. Ils sont toujours jeunes, ce sont des amis. Aussi ils chantent vivre leur séjour en Alsace. Oh, my. petite fille oubliée, une jupe plissée que de cheval à la sortie du lycée. On a tous dans le cœur un morceau de fer à user, un vieux scooter de rêve pour faire le cirque dans le quartier. Et la petite fille chantait, et la petite fille chantait, et la petite fille chantait, et la petite fille chantait, un truc qui me colle encore au cœur et au corps. Everybody's doing a brand new dance now. Ticket pour Liverpool, sortie de scène, hélicoptère pour échapper à la foule. Excuse me sir, mais j'entends plus Big Ben qui sonne, des scarabées bourdonnent, c'est la folie à London. Et les Beatles chantaient, et les Beatles chantaient, et les Beatles chantaient, et les Beatles chantaient, un truc qui me colle encore au cœur et au corps. It's been a hard day's night. Ça va me servir d'aller me faire couper les tifs. Est-ce que ma vie sera mieux une fois que j'aurai mon certif? Betty a rigolé devant ma boule à zéro. Je lui dis si ça te plaît pas, t'as qu'à te plaindre au durlot. Et je me suis fait virer, et je me suis fait virer. Et les Beach Boys chantaient, et les Beach Boys chantaient, un truc qui me colle encore au cœur et au corps. Ça faisait round, round, get around, I get around, yeah. Get around, round, round, I get around. Get around. Vacances à Saint-Malo, et des parents en maillot qui dansent chez Luis Mariano. Au camping des flots bleus, je me traîne des tonnes de cafards. Si j'avais bossé un peu, je me serais payé une guitare. Et Saint-Malo dormait, et Saint-Malo dormait, et les radios chantaient, et les radios chantaient, un truc qui me colle encore au cœur. Café de ma banlieue, t'as vu la bande à Jimmy, ça fume pas mal, ça roule autour du baby. Le pauvre Jimmy s'est fait piquer chez Disque. Je viens de recevoir un sympathique coup de téléphone. Cet après-midi, il y a match au stade Gérard Armand, la Motte Servolex contre Champagnol. Et c'est à 15h, voilà ce que je peux vous dire. Alors allez voir ce match au stade Gérard Armand cet après-midi. Alors si vous voulez annoncer à la radio, eh bien téléphonez la semaine, quelqu'un vous répondra et on aura tout le temps, on pourra en parler toute la semaine. Eh bien ceci, auditrices, auditeurs de Surge FM, sur ce, je vais vous quitter. Je vous rappelle que vous étiez en compagnie de Michel qui vient de vous présenter une heure de variété, une heure de détente. Et eh bien, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission de variété, de descente et d'accordéon. Et je remercie tous les auditeurs et les auditrices qui ont téléphoné ce dimanche matin, qui m'ont encouragé. C'est sympathique à vous. Mais comme m'a dit une auditrice, Michel, vous restez encore 100 ans à la radio, ça serait sympathique. Malheureusement, dans 100 ans, Michel ne sera plus là. Et je ne crois pas que je vais rester si longtemps à la radio. Allez, passez un bon dimanche, une bonne semaine et à bientôt. Bye bye!